le néant prend le pas. Je reste seul la nuit et la journée aussi. En un mot commençant, je m'ennuie. L'extérieur me libère. Un autre quand je vais prendre l'air. Je ne suis plus timide, je ne suis plus morbide. En un mot commençant, j'apprécie. Puis je rentre à la maison. L'ennui me revient, alors je serre les poings. En un mot commençant, je crie. Je ne m'interroge jamais sur ma double personnalité. Mais ce soir, je ne sais trop, suis-je un peu schizo? En un mot commençant, qui je suis?